Dictée en ligne. Nous allons d'abord écouter le texte. Dans ma chambre, j'ai une chaise. J'ai aussi une bougie. Elle éclaire mon visage. Sur la chaise, il y a ma chemise. Mon chien dort dans la chambre. Il a des puces. À présent, nous allons faire la dictée. Dans ma chambre. J'ai une chaise. J'ai aussi une bougie. Elle éclaire mon visage. Sur la chaise, il y a ma chemise. Mon chien dort dans la chambre. Il a des puces.